Alors, laquelle des deux sera celle qui va passer aujourd'hui dans l'entrejambe ? Nous le saurons d'ici la fin de l'émission. Mais pour l'instant, nous allons être sérieux et négocier avec vous, pour vous et en direct. Rien ne vous sera caché. Alors, on a plein de bons cas. On en a un qu'on traitera en deuxième partie d'émission. C'est celui concernant la grande Céline. J'ai réservé depuis novembre sur Internet pour le concert de Céline Dion ce samedi à Bercy et je n'ai toujours rien reçu. Et maintenant, le site me propose de changer la date alors que j'ai déjà tout réservé sur place à Paris et billets d'avion. Et je viens spécialement de Haute-Garonne pour voir Céline Dion. Nous verrons que, malheureusement, c'est un site qui est à l'étranger. Une nouvelle fois, nous vous mettrons en garde. Je ne sais pas ce que nous allons pouvoir faire, mais nous allons tout essayer pour aider, évidemment, cette auditrice. Et puis, on va attaquer tout de suite avec l'artisan du jour. C'est Émile qui est en ligne. Bonjour, Émile. Bonjour, Julien. Comment ça va, Émile ? Ça va, ça va. Vous nous appelez d'où, Émile ? J'habite à côté de Cambrai. Bien, Émile, attention, voici le message que vous nous avez laissé sur l'antenne d'RTL. Je suis plombier chauffagiste, on m'a volé mes outils de travail dans mon camion. Ils ont été retrouvés et mis sous scellés en mars dernier. Depuis tout ce temps, j'entends qu'on les restitue enfin, car j'en ai besoin pour travailler. C'est une histoire de fou, les outils sont sous scellés, il ne peut plus bosser. Alors il me fallait bien sûr la Dream Team de l'Euro, il y a... Oh là là là là là là, que c'est bien joué ! Maître Fellono qui est avec bonjour à tous. Et il y a Blanche Grandvilliers qui est là. Bonjour Julien, bonjour à tous. Qui sourit parce qu'elle pense qu'elle a gagné le concours. Mais c'est pas encore gagné. Et il y a bien sûr Hervé Pouchol et Bernard Sabat qui sont avec nous. Bonjour. Bonjour Julien, la charnière centrale. C'est plus la charnière que centrale, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, nous sommes là pour vous remercier également. On va attaquer le premier cas, mais pour vous dire merci. Merci d'avoir fait de cette émission l'émission non seulement la plus écoutée d'RTL en dehors des infos, mais la plus écoutée de France. C'est fantastique. Merci. Alors, pour vous remercier, un séjour Disneyland en famille. Vous allez vivre la magie de la Reine des Neiges jusqu'au 18 septembre 2016. Et vous allez pouvoir chanter en chœur les musiques du film avec Elsa, Anna et Olaf lors d'un magnifique spectacle interactif. Alors pour gagner, 32-10, touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu, très important, hein, touche numéro 2. Et vous refaites après le numéro de la bonne réponse. Comment s'appelle le film de Walt Disney sorti en 77 ? 1. Les aventures de Bernard et Hervé, les négociateurs d'appel. Ou 2. Les aventures de Bernard et Bianca. Donc 32-10, touche numéro 2. Ou encore numéro 2, ou alors SMS RTL au 74-900. Je dois dire quand même que si un jour Disney a le courage de sortir les aventures de Hervé et Bernard d'RTL, je garantis un énorme succès. Mon Émile, artisan, est en ligne avec moi. Émile, c'est une histoire de fou. Vous êtes plombier chauffagiste et dans la nuit du 27 au 28 février, l'intérieur de votre fourgon est cambriolé. Il était devant chez vous, le fourgon ? Oui, oui, carré devant chez moi, bien sûr. Bien. Alors, tous vos outils, je vais demander dans le studio, est-ce qu'on fasse un peu de calme, s'il vous plaît, car je n'entends même plus Émile. Tous vos outils de travail disparaissent. Il y en a pour plus de 2000 euros. On est d'accord, Émile ? 2700, on va dire. 2700. Il dépose plainte à la gendarmerie, ça c'est très logique. Et alors, là, il va y avoir une vaste opération dans un camp. Bon, de gens du voyage, c'est pas tellement le problème, mais 150 gendarmes vont venir investir ce camp de gens du voyage et récupérer vos outils. On est d'accord ? Une partie. Une partie en tout cas. Et là, ils les mettent sous scellé le temps de l'enquête. Bien, et le 18 mars, vous allez voir quand même l'adjudant en charge de l'affaire et vous identifiez le matériel et vous dites « Bon, ben maintenant, vous allez peut-être pouvoir me le rendre. » Mais on ne vous le rend pas parce qu'il est sous-scellé, il y a une enquête et ça fait combien de temps que vous attendez ? Ce jour, depuis le 18 mars, donc ça fait 4 mois. Les outils sont mis sous-scellé, on vous a dit une dizaine de jours suffiront. Et là, maintenant, vous dites que ça fait plusieurs mois, donc vous ne pouvez pas vous les faire rembourser puisque l'assurance doit savoir ce qui a disparu ou n'a pas disparu. Oui, et puis en fait, actuellement, je vais attaquer un chantier et je veux pas racheter les mêmes outils qui sont sous scellés pour commencer mon chantier, quoi, je veux dire. Bien sûr. Maître Fellono. Voilà, effectivement, on a une procédure qui s'appelle, c'est une demande de restitution d'un objet placé sous main de justice. Voilà comment, c'est le titre pompeux. Il y a un formulaire qui existe et que notre ami n'a pas rempli. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il a fait les lettres les demandes par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été en contact avec le greffier du juge d'instruction et que le greffier ne lui a pas indiqué la procédure à suivre. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle ça traîne, parce qu'il faut donner sa carte d'identité. Enfin, il y a des tas de choses, c'est officiel, et que ça n'a pas été fait. Je vous donne la parole dans une seconde, Maître Blanche de Grandvilliers. Nous appelons donc la gendarmerie, nous sommes tous d'accord, en premier pour essayer de savoir, et c'est intéressant, parce que c'est le genre de choses qui malheureusement peut arriver à tout le monde. On vous vole du matériel, après il est sous-scellé parce qu'il y a une enquête, mais on fait quoi nous pendant ce temps-là sur le matériel? Alors quelques semaines pour prendre les empreintes, ça me paraît normal, mais une fois qu'on a pris les empreintes et que c'est sous-scellé, peut-être peut-on le rendre au propriétaire. On appelle s'il vous plaît, c'est parti. La gendarmerie, nous allons dans le Pas-de-Calais, nous allons à Arras, appeler un gendarme. Est-ce qu'on a le nom d'un gendarme en particulier? Nous verrons. Oui, je l'ai. Allô? Non, ça n'a pas répondu. Allô? Gendarmerie Arras, je vous écoute. Bonjour la gendarmerie d'Arras, bonjour monsieur, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, ce n'est pas une blague. Monsieur, je règle un cas ce matin sur, j'essaie en tout cas d'avancer sur un cas ce matin dans mon émission, un monsieur dont les outils ont été volés et mis sous scellés. Et malheureusement, ça fait des mois et des mois qu'il attend de les récupérer, on lui avait dit 10 jours, et on voulait savoir un petit peu comment ça se passait dans ces cas-là. C'est l'adjudant Caron, je crois, qui s'en occupe. Vous n'êtes pas au bon service. Ah mince, je ne suis pas la brigade des recherches. Non, vous êtes relié au centre des urgences, au 17. Oh zut, ah bah écoutez, mais pourtant on n'a pas fait le 17, nous on a fait le 03-21-50, c'est-à-dire la brigade des recherches, qui vous ont basculé chez vous. Ils n'ont pas basculé, hein. Ah bah moi monsieur, en tout cas, je peux vous garantir que j'ai fait le 03-21. Oui, je vous crois bien. Voilà, alors il y a quoi ce numéro alors monsieur? Donc là, c'est anciennement la gendarmerie, hein, la brigade de gendarmerie qui n'est plus ouverte. Elle est fermée ? Elle est fermée. Ah, la gendarmerie de Arras est fermée, du Pas-de-Calais ? Tout à fait. Ah, il faut s'adresser à qui alors maintenant si elle est fermée ? D'un secteur étatisé police, vous n'êtes pas relié au bon service, alors je vais essayer de vous trouver ce bon service. Ah, c'est adorable, vous êtes très gentil monsieur, merci beaucoup. Merci. Bon, ben voilà, déjà une première explication. Bon, retard, bon, c'est pas. Ouais. Du retard, Émile, vous le saviez. Vous ne le saviez pas, ça, Émile? Ah, pas du tout. Et d'ailleurs, sur Facebook, avec les photos affichées, il demande bien d'appeler à ce numéro. Bon, on va aller voir sur Facebook, comme dit Émile. Il a bien raison de ne pas le prononcer à l'américaine. Trop de gens disent Face. Non, Facebook, bien de chez nous. Oui, Blanche Grandvilliers, tiens, en parlant de Facebook. De Facebook? Non, de Book. D'accord. Je ne pense pas que ce soit une explication, Julien, parce que c'est le magistrat qui décide de la restitution, ce n'est pas la gendarmerie. Ah, donc vous êtes en train de me dire que les numéros qu'on vient de faire, ça n'a servi à rien? Non, pas du tout. Ils auraient pu nous donner des éléments sur la poursuite de l'enquête. Je sens que ça va se finir avec celle qui s'est dit... Aujourd'hui, Dieu merci, ils ne vont pas m'embêter. Ils m'appellent tous les jours. Enfin, un peu de soleil, je vais pouvoir aller boire un café en terrasse et être peinard. Eh bien, elle n'a pas de chance, ça va se finir au ministère de l'Intérieur, cette histoire. Chez notre copine qui nous règle tous les problèmes. Mais c'est bon de savoir comment faire. Donc, on attend que ce sympathique monsieur nous donne des nouvelles du numéro à appeler. Ensuite, je vous rappelle qu'on lancera Céline Dion. Il y a toujours le séjour Magie Disney. Vivez le rêve absolu. Quand vous entrez dans ce parc, vous êtes sur une autre planète. 3210, touche numéro 2. Puis encore numéro 2, ou SMS RTL au 74-900. Voilà, nous allons nous battre jusqu'à la dernière minute, contrairement aux Espagnols, pour ne pas nous faire avoir. Et nous allons... Ah bah oui, hier, ils se sont fait avoir comme des bleus, là. Ah oui. Enfuée. Tourner la balle, et à droite, et à gauche, à toi, moi, tu la veux, je la veux, prends-la, tiens, je te la redonne, non, merci, ah bah non, reprends-la, non, je te la donne. Oh bah écoute, c'est trop gentil, mais j'en ai déjà deux. Mais tiens, reprends-la, redonne-la, et pim, ils n'ont rien vu venir, les autres en ont marqué un. Donc c'est pour ça que je demande à toute l'équipe d'être là jusqu'au bout. À tout de suite sur RTL pour avoir le gendarme. En ce moment, ce sont les soldes Conforama avec des remises jusqu'à moins 70%. Par exemple, le réfrigérateur Saba 265 litres est à 269,99 euros au lieu de 529,99 euros. Soit 50% de remise. Bah alors, ne me dites pas que ça ne vous fait ni chaud ni froid. Hein. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions, dates et magasins participants sur Conforama.fr. Vous allez où, vous, pour changer vos pneus? Sur Internet ou chez un pro? Moi, je vais sur Internet et chez un pro. Et hop, popgum.fr. Sur popgum.fr, je choisis mes pneus parmi les grandes marques, je paye tout en ligne et je prends rendez-vous chez un pro pour le montage. Et hop, popgum.fr. Mon petit truc en plus, cliquez sur promo pneus et profitez des pneus à prix canon. Popgum.fr, le spécialiste du pneu de marque à prix internet. Popgum.fr. Simplifiez-vous le pneu. Carrefour Market fête ses clients. Aujourd'hui, je viens avec toutes mes copines et tous leurs enfants. Ça vous fait plaisir? Oui, et ça tombe bien, Michel. Nous avons des animations et des surprises pour eux. Et en plus, Market fête ses clients avec des promos à gogo. Jusqu'au 3 juillet, pour deux boîtes de glace extrême de Nestlé achetées, la troisième est gratuite. Oh, ils vont être contents! Et c'est aussi valable sur de nombreux produits de marque. C'est la fête pour tout le monde chez Market. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. La boîte de 6 cônes, différents parfums. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, bougez plus. Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 43 ans. Il y a 3 mois, mon médecin m'a dit que ce serait bien pour ma santé que je perde une dizaine de kilos. Ça m'a fait un choc. Et alors ? Et alors rien, j'ai pas fait comme j'aime, j'ai toujours mes 10 kilos de trop. Valérie, il n'est pas trop tard. Commencez comme j'aime aujourd'hui et vous aurez perdu vos 10 kilos dans 3 mois. Aujourd'hui, il y a une offre vraiment exceptionnelle. Un mois gratuit. Oui, un mois gratuit en téléphonant au 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel. Votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert avec son volume de 6,6 m3 grâce à la banquette Modiwork et profitez de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Expert Premium Pack à partir de 179 € par mois. Garantie assistance et entretien 5 ans inclus. Nous comptons sur vous. Crédit bail sur 60 mois, 50 000 km après un premier loyer de 4 900 €. Détails sur peugeotwebstore.com. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Il est 9h42, nous avons démarré le cas de cet artisan. Histoire de fou, mais histoire qui peut arriver à tout le monde, qui se fait piquer ses outils dans sa fourgonnette. On retrouve ses outils puisqu'on arrête apparemment les voleurs, sauf que les outils sont sous scellés. Alors on lui dit, il nous faut 10 jours, on suppose que c'est pour les empreintes, etc. Sauf que l'histoire s'est passée le 27 février. Donc lui, il a besoin de ses outils, et encore une fois, Blanche. Après, on pourrait se dire mais qu'il se les fasse rembourser, il devait être assuré, mais l'assurance, elle doit vouloir savoir exactement ce qui a été volé et pas volé, ce qui est toujours sous scellé, parce qu'elle ne va pas rembourser ce qui est sous scellé, donc ça bloque la situation. Exactement, et Julien, le problème, c'est que là, on est dans l'attente du magistrat ou du procureur de sa décision, est-ce qu'il accepte de restituer les outils ou pas. Côté gendarmerie, est-ce qu'on nous a passé, alors on a appelé la gendarmerie d'Arras et on a appris, tout le monde a appris que la gendarmerie d'Arras n'existe plus. Elle a été regroupée, parce que je pense que pour des raisons d'économie, on doit faire des centres police gendarmerie. Oui, allô ? Oui, allô, on a la gendarmerie, Julien. Ah, bonjour, la gendarmerie, enfin le centre. Vous êtes toujours au même service. Ah. Hein. Vous êtes toujours sans des urgences. J'ai essayé de vous contacter quelqu'un. C'est gentil, merci beaucoup, monsieur. Donc, c'était pour vous dire qu'on essaie toujours de vous trouver. Eh bien, c'est très gentil, monsieur, merci beaucoup. Alors, ce monsieur essaie de nous passer le bon numéro, de ce qui remplace en tout cas la gendarmerie d'Arras, puisqu'il n'y a plus de gendarmerie d'Arras. Et nous allons attaquer dans quelques instants le cas numéro 2. Est-ce qu'on a des nouvelles ? Je voulais vous donner des nouvelles assez rapidement de Guillaume. Est-ce qu'il est en ligne ? Il est là, Guillaume. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Ah, voilà, je voulais vous passer Guillaume, parce que quand on entend Guillaume, on se dit que la vie est belle. Il a toujours la pêche, Guillaume. Comment ça va, Guillaume ? Eh ben, impeccable, le soleil revient enfin. Et toujours à Roissy, toujours du côté de Gaillac ? Toujours. Alors, je rappelle que Guillaume était passé pour nous parler de crédit immobilier. Voilà ce que nous avait dit Guillaume. Écoutez bien sur RTL. Non, on l'a pas, Guillaume. Me fait-on ? On me le fait d'un signe, le pauvre, le technicien réalisateur, qui a vu que je me lançais, dans la, dans un message qu'il n'a pas. C'est tellement secoué que j'ai cru qu'il allait perdre ses lunettes et un bras. D'ailleurs, son bras est dans un autre studio. Maintenant, il est parti. Ne t'inquiète. Et voyez, du coup, en lui mettant cette pression, il le retrouve, dis donc. Bravo. Bien joué, Guy. Allez, écoutez Guillaume. J'ai remboursé mon crédit immobilier et ma banque me doit près de 700 €. On me dit que le virement est déjà parti, mais depuis le temps, j'ai l'impression que l'on me balade. Certes, j'adore marcher, mais là, je commence franchement à avoir des ampoules. Car un peu d'humour ne nuit pas. Donc Guillaume, vous êtes passé récemment. Et Guillaume, vous avez des nouvelles à nous donner. Écoutez bien, mesdames et messieurs. Donc, le lendemain matin, à 8h30, le virement a été effectué. C'est pas beau, ça ? Dès le lendemain matin, on lui a remboursé alors qu'il n'arrivait à rien. Eh bien, écoutez, bravo, il devait y avoir un petit problème de communication. Bravo le CIC qui a réglé ça très rapidement. Eh bien, je vous souhaite un bon été, Guillaume. Qu'allez-vous faire cet été ? Cet été, déjà travailler jusqu'au mois d'août et après, vacances à la mer. Où ça, à la mer ? Saint-Pierre-sur-la-Mer, à côté de Gruissan. Ah, dans le sud, c'est chez vous, ça, Maître Fellono. Narbonne. Bon, je rajoute donc une nuit chez Maître Fellono pour vous, Guillaume. Vous êtes marié ? Ah, une alerte. De quel côté l'alerte ? Oui, on va revenir sur le cas d'Emile. J'étais en contact avec... Attendez, je vais revoir à Guillaume quand même, parce que je ne vais pas le planter là, avec sa nuit chez Maître Fellono. Donc, Guillaume, à très bientôt et merci de nous avoir fait confiance. Merci beaucoup, Julien. Merci à toute l'équipe. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne continuation. Bravo le CIC. Donc, l'artisan, nous avons la gendarmerie d'Arras qui n'existe plus. Ils essaient d'ailleurs de nous trouver un autre numéro d'une gendarmerie qui existe. Oui, alors donc, comme si vous voulez, on bloquait un numéro d'urgence. J'ai libéré ce monsieur qui était un peu affolé. Il a quand même commandé. Il a quand même, vous savez, dans l'armée, c'est comme ça que ça se passe. Il a dit que la radio l'avait appelé. Et là, il y a un officier de la communication de la gendarmerie qui devrait nous rappeler. Bon, entre temps, j'ai quand même prévenu Caroline Bozio du ministère de l'Intérieur. Mais là, actuellement, ils sont en train de trouver quelqu'un. Je pense, oui. Il y a quelqu'un qui marche dans les couloirs, qui fait RTL nous a appelé. RTL nous a appelé. Faut trouver quelqu'un qui va parler. Malheureusement, il n'y a personne. Je suppose que ça se passe comme ça. C'est l'armée. Moi, je ne fais que... Je ne sais pas, mais j'imagine que ça doit se passer comme ça. Charlie Pousse, ça vous dit quelque chose, oui. Maître Blanche de Grandvilliers? Vous aussi, Maître Félonneau? Si, c'est un chanteur. Vous le connaissez? Oui. Eh bien, lui, il ne vous connaît pas. Non. Mais on l'écoute quand même. C'est parti. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. Charlie Puth chante One Call Away, c'est sur RTL, il est 10h10. Revenons sur le cas numéro 1. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que dans le 9h30-11h, nous aidons tout le monde, y compris les artisans, et que cet artisan nous a raconté, écoutez bien, cette histoire complètement hallucinante. Je suis plombier chauffagiste, on m'a volé mes outils de travail dans mon camion. Ils ont été retrouvés et mis sous scellé en mars dernier. Depuis tout ce temps, j'entends qu'on les restitue enfin, car j'en ai besoin pour travailler. Nous appelons donc le numéro que nous donne Émile, à savoir la brigade des recherches, où nous tombons sur l'appel d'urgence. Alors nous sommes étonnés, le monsieur nous dit non, la gendarmerie d'Arras n'existe plus, ça a été regroupé, mais alors je n'ai pas le numéro. Il n'arrive pas à le trouver, mais quelqu'un sur place essaie de nous trouver un numéro. Mais vous avez, Hervé, essayé de faire gagner du temps à Émile, nous avons carrément appelé le ministère de l'Intérieur. Ben voilà, je suis en ligne sur mon portable avec Caroline Bozio qui est en train de prendre connaissance du dossier. Elle va pouvoir en deux coups de fil essayer d'avoir l'info. Eh ben je l'espère. J'espère aussi. Donc Émile, je vous dis à tout à l'heure, on est sur le coup pour vous, on va tout faire pour vous aider, d'accord ? Eh bien, je vous remercie, Julien. Je vous en prie, Émile. À tout à l'heure, Émile. Voilà. Catherine va venir maintenant sur l'antenne d'RTL. N'oubliez pas que dans quelques instants, il y aura le cas de ces places pour Céline Dion, d'une dame qui est passée par un site. On va voir s'il est sérieux ou pas et qui malheureusement a peur de louper son idole, elle qui a dépensé beaucoup d'argent. Avant d'attaquer Catherine, simplement et rapidement, Magie Disney, 3210 touche numéro 2, puis encore numéro 2, 3210 numéro 2, puis encore numéro 2 pour gagner un voyage Disneyland Paris. 4 personnes, une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge, entrée illimitée pour les deux parcs pendant 2 jours. Merci Disney de faire vivre ça à nos auditeurs pour les remercier d'avoir fait de cette émission la plus écoutée de France, ou SMS RTL au 74 900. Voici maintenant l'histoire de Catherine. On est garagiste, on devait se faire livrer un pont élévateur, mais nous n'avons reçu qu'un tout petit colis. Bien trop petit pour contenir, évidemment, un pont élévateur. Depuis, on se bat avec le livreur, le fournisseur et le transporteur pour récupérer enfin ce pont élévateur. C'est quand même, elle est belle l'histoire, Maître Blanche de oui. Grandvilliers, parce qu'un pont élévateur, bon, ça pèse quand même un petit 700 kilos. Oui. Et ils ont reçu un tout petit carton. Oui. Ils disent, le pont élévateur, il y a une erreur. On n'a pas commandé le pont élévateur de Barbie. C'est un vrai que l'on voulait. Ah, ben oui, mais nous, on pensait que c'était le garage de Barbie, madame. Donc aujourd'hui, elle a payé, elle n'a pas son pont élévateur, elle ne peut pas bosser. Oui, la difficulté, Julien, dans ce dossier, c'est que quand elle est arrivée, quand le colis est arrivé, elle a bien vu qu'il ne pouvait pas contenir son pont élévateur parce qu'il était trop petit. Sauf que elle a signé le document, elle n'a pas fait de réserve parce que le transporteur lui a dit « Oh, mais c'est le premier colis, les autres vont arriver !» Les autres vont arriver, voilà. Effectivement. Elle est en ligne avec nous, Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Julien. Effectivement, vous me confirmez que lors de la livraison, vous avez tout de suite compris, parce que vous n'êtes pas idiote, vous êtes professionnelle, vous savez ce qu'est un pont élévateur, qu'il n'était pas dans ce petit carton. Tout à fait, surtout que c'est un de mes salariés qui a réceptionné le colis. Et voilà. Et voilà, moi je vais donner. Bon, alors. C'est bon, tu peux signer, ça va arriver. On va s'en occuper dans une seconde, mais simplement, quand vous les appelez, eux, ils savent s'il est parti ou pas. C'est facile de vérifier si dans les stocks, un vrai pont élévateur est parti ou pas. Qu'est-ce qu'ils vous disent, Catherine ? Bah que pour eux, il est parti du dépôt et qu'il faut voir avec le transporteur. Ah d'accord, dans ce cas, c'est le transporteur qui aurait perdu le pont élévateur. Eh bien, ceci étant dit, c'est peut-être vrai aussi, Maître Felonneau. Il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle dans ce dossier, c'est qu'elle n'aurait dû recevoir qu'un seul colis. Quand on voit l'étiquette qui a été rédigée par le vendeur, on voit un seul colis et qui pèse 650 kilos. Et au final, on lui envoie une caisse en bois contenant le moteur, qui ne pèse pas 650 kilos. Donc il y a un vrai problème à laquelle nous sommes étrangers, on va à la pêche au renseignement. Dans une seconde sur l'antenne d'RTL, nous allons lancer l'appel et nous allons essayer de comprendre qui a perdu un pont élévateur de 650 kilos. Parce que pour le perdre, il faut quand même mettre de la bonne volonté. Nous avons peut-être affaire là au nouveau grand magicien, le David Copperfield du pont élévateur. Nous allons voir, nous allons appeler, ce sera sur RTL dans le 9h30, 11h après ceci. Claire. Ça, c'est un bon plan. Une glacière de 29 litres, rechargeable sur l'allume-cigare de la voiture à moins de 30 euros chez Leclerc. Sur la route des vacances, ça devrait être obligatoire. Du 15 au 25 juin, le très bon plan Leclerc, c'est la glacière électrique de 29 litres à 29,90 euros. Inutile de résister, une glacière comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. C'était les meilleures vacances de ma vie. J'arrive sur une grande plage, superbe. Enfin non, une petite plage déserte. Et c'est là que je tombe sur cette fille. Non, je tombe sur ces deux filles. Deux brunes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Deux jumelles, blondes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Et on a fait la fête dans une sorte de village hippie. Un village hippie. Voilà, et après on a fait des brunchs. Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Avec Intercité, les billets sont à partir de 15 euros toute l'année. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur sncf.com. SNCF. Bonne nouvelle! Pour vos vacances, Costa Croisière décuple votre bonheur. Désormais, avec le tarif Total Confort, le forfait boisson et bien d'autres avantages sont inclus et disponibles pour toutes nos croisières. Réservez dès maintenant. Costa, le bonheur à la puissance 2. Pour plus d'informations, consultez votre agence de voyage ou costacroisière.fr. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda à Kéna. Pardon? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena,

Laissez-moi enfiler ma robe de chambre en soie, prendre un cigare et remplir la coupe de champagne, car c'est maintenant l'heure des infos. Elle va arriver et les présenter. Il faut que je sois bien coiffé et gominé. La matinée sera longue, les amis. Je transpire. RTL 10h. Car voici les informations présentées par Olivia Leray. Bonjour Olivia. Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est l'information de la matinée. Le préfet de police de Paris décide finalement d'interdire la manifestation contre la loi travail demain dans la capitale. Et cela faute d'accord avec les syndicats, Martial Youx. Oui, c'est la ligne la plus radicale qui a été retenue par la préfecture. Il faut dire qu'en interne, le premier syndicat de gardiens de la paix, Alliance, avait demandé hier le report de cette manifestation. Syndicats et préfectures n'ont donc pas réussi à s'entendre ces dernières heures sur un parcours plus court, entre Bastille et Italie par exemple. Mais les discussions vont sans doute se poursuivre. Jean-Claude Mailly et Philippe Martinez ont déjà demandé d'urgence une réunion avec Bernard Cazeneuve dans les prochaines heures pour éviter tout débordement si manifestation il y a quand même demain. Martial Joux, chef du service économie d'RTL, et sachez que les réactions ne se sont pas fait attendre. Interdire de manifester, c'est une faute historique pour Christian Paul, le député Frondeur PS. C'est la première fois depuis 1958 qu'un gouvernement refuse un rassemblement organisé par les grandes organisations syndicales, précise-t-il. Le patron de la SNCF dresse, lui, ce matin le bilan des 3 semaines de mobilisation contre la loi travail ou pour des conflits internes. Cela a coûté au moins 250 millions d'euros à l'entreprise. La grève des pilotes d'Air France n'aurait pas lieu ce week-end. Il n'a pas encore pris ses fonctions officielles, mais le futur PDG de la compagnie, Jean-Marc Janaillac, a déjà déminé le conflit avec les pilotes. Il obtient une trêve sociale jusqu'au 1er novembre. J-1 avant le référendum historique sur le Brexit au Royaume-Uni. Les derniers sondages donnent le pour, les pour et les contre au coude à coude, mais il reste 10% d'indécis. Le suspense est donc absolu. Euro de football, 4 matchs au programme de votre journée. À 18h, Hongrie, Portugal et Islande, Autriche. À 21h, Italie, Irlande et Suède, Belgique. C'est donc après ces rencontres que les Bleus connaîtront leur adversaire en 8e de finale. Pour l'instant, c'est plutôt flou. Peut-être l'Irlande du Nord ou alors la Belgique, la Suède ou encore l'Irlande du Sud. La surprise d'hier soir, c'est la victoire de la Croatie contre l'Espagne de 2-1. Les Espagnols se préparent donc à un choc contre l'Italie en 8e de finale. La bourse de Paris, elle ouvre en hausse de 0,71% à 4398 points. Les courses ont lieu à Reims aujourd'hui. Les pronostics de Bernard Glass, le 11, le 8, le 6, le 3, le 2, le 13, l'As, le 7, dernière minute, le 2. Le temps, cela faisait longtemps dans le nord, alors profitez-en, il fait beau et chaud. Quelques averses à prévoir quand même au nord de la Loire, puis jusqu'au nord Pas-de-Calais à la mi-journée. Partout ailleurs, le soleil sera généreux et les températures aussi. 19 degrés à Dieppe et à Brest, 25 à Perpignan, 29 degrés à Paris, 30 à Dijon, 32 à Limoges et même jusqu'à 34 degrés à Tarbes. Vous êtes sur RTL, il est 10h03. Tout de suite, ça peut vous arriver avec vous, Julien Courbet. Absenté, j'avais été chercher des fraises pour le champagne. À tout à l'heure. À tout à l'heure. 11h, merci. Je rappelle que ce matin en direct, c'est le 9h30, 11h, nous essayons de régler vos problèmes. Que l'on me mette le petit jingle, point info, car il est important que nos auditeurs sachent tout ce qui s'est passé depuis 9h30. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Nous avons eu Émile. Émile est un plombier qui aimerait bien avoir ses outils pour travailler. Je suis plombier chauffagiste, on m'a volé mes outils de travail dans mon camion. Ils ont été retrouvés et mis sous scellé en mars dernier. Depuis tout ce temps, j'entends qu'on les restitue enfin, car j'en ai besoin pour travailler. Nous avons appelé la gendarmerie du Pas-de-Calais, la brigade des recherches, mais nous sommes tombés sur le numéro d'urgence car nous avons appris que la gendarmerie d'Arras n'existait plus. Ils ont essayé de nous passer un autre numéro, ils n'y arrivaient pas, mais ça n'a rien de grave. Ils cherchaient en tout cas un interlocuteur et vous êtes remonté encore plus haut. Hervé, un premier point à 10h04, s'il vous plaît, sur RTL. C'est Caroline Bozio qui a pris le contact. Elle est actuellement justement en contact avec la communication de la gendarmerie nationale. Donc on aura du nouveau, je l'espère, d'ici une heure. Dans le 9h30, 11h, nous avons traité également le cas de Catherine qui tient un garage en Bretagne. On est garagiste, on devait se faire livrer un pont élévateur, mais nous n'avons reçu qu'un tout petit colis. Bien trop petit pour contenir, évidemment, un pont élévateur. Depuis, on se bat avec le livreur, le fournisseur et le transporteur pour récupérer enfin ce pont élévateur. Un pont élévateur de 650 kilos qui a disparu. Nous appelons tout de suite cette société dont le siège... Allô ? Oui. SNS Trace Smith & Smith ? Oui. Bonjour madame, est-ce que Karine Mercier est là peut-être ? Ben oui, c'est moi. Oh, ben c'est formidable. Bonjour Karine, c'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. C'est pas une blague, Karine. Karine, je suis sur l'antenne avec une de vos clientes. Elle s'appelle Catherine Laurent. Elle vous a commandé un pont élévateur de 650 kilos. Et elle a reçu un petit kilo de 50 kilos. Alors elle n'était pas là, c'est l'employé. Un petit colis, de 50 kilos. Donc c'est un employé qui a reçu, qui a signé le bon sans savoir. Mais elle, elle a payé, vraiment payé. Combien d'ailleurs, Catherine ? 1 800 euros avec les frais de livraison. 1 800, et personne ne sait où est passé ce pont élévateur de 650 kilos, ce qui nous paraît complètement aberrant, ça ne peut pas passer inaperçu. Donc elle, elle a pas reçu, et vous, apparemment, vous lui dites, ben nous, on l'a envoyé quand même. Est-ce qu'on pourrait avancer un petit peu là-dessus ? Oui, c'est possible. Alors c'est parfait. Comment fait-on ? Comment fait-on ? Apparemment, il y a un problème au niveau du transporteur, parce que le colis est livré en entier. Il y avait le poids sur le bon de commande. Le client a signé pour réception de colis. C'était un colis unique. Oui. Et, alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Le problème est là, Catherine. Au niveau du transporteur qui dit qu'ils ont tout livré et le client dit qu'il n'a pas tout reçu. Alors, le client dit qu'il n'a reçu que le moteur Tyrone. Hein, je l'ai sous les yeux, j'ai la photo. Il n'y avait que le moteur dedans dans une petite caisse. Il y a une photo de la caisse. Une caisse en bois. D'une caisse en bois. Voilà. D'accord. Donc, elle n'était pas là, hein. C'est un employé, le livreur est arrivé, il a dit, voilà, je viens livrer ça, et l'employé a dit, mais attendez, ça me paraît petit, et on lui a dit, non, mais le reste va arriver, prenez déjà ça. Bon, enfin, oui. De toute façon, je ne pense pas qu'elle soit assez bête pour passer sur une radio pour dire, où est mon pot élévateur alors qu'elle l'aurait volé, et en plus, il suffirait d'aller dans son garage pour le trouver. Donc, vous, le transporteur, il vous dit quoi, madame ? C'est DHL, je crois. Oui, le transporteur, il décline sa responsabilité. Il décline sa responsabilité, d'accord. Oui, voilà. Bon. Mais je vais voir où ça en est, parce que je crois que dernièrement, il doit y avoir eu des nouvelles. Je vais me renseigner auprès de la société. Alors, je vais les appeler, moi, de mon côté, mais essayez, madame, d'aider votre cliente, parce que je vous assure, je pense qu'elle est de bonne foi. Je vois pas quelqu'un en train de dire « j'ai pas reçu de pont élévateur » alors qu'elle a reçu pour en avoir un deuxième. Il suffit d'envoyer, de faire un contrôle, et elle risquerait gros, surtout, Blanche Grandvilliers. Oui, si on pouvait avoir le document de transport que vous avez dû signer avec le transporteur, ça aiderait certainement notre auditrice, si vous pouviez nous en faire une copie. Qu'est-ce qu'il y a derrière sur ce document de transport, à votre avis ? Il y a notamment le poids, là on a juste l'étiquette avec le poids et le fait qu'il y a un seul colis, et c'est de la responsabilité du transporteur de vérifier donc les déclarations de la vendeuse. Donc si effectivement il n'a pas contesté qu'il y avait un seul colis de 650 kilos et qu'il a livré un colis de 50 kilos, c'est bien lui qui a perdu la marchandise. Va savoir ce qu'a livré, qu'a signé exactement Catherine, votre employée ? Moi, j'ai aucun document, en fait. On a juste un petit document que j'ai sous les yeux, là. Tout à fait. On a connaissance d'un bon de livraison qui a été signé, effectivement, avec un poids dessus de 650 kilos. Mais... Donc, ça n'a pas été signalé au niveau de la livraison à ce moment-là. Donc, voilà. Je vais m'en occuper. Je vais voir où ça en est. Juste, madame. Peut-être, entre-temps, il y a eu des nouvelles. Je vais relancer ça. Et madame, je voudrais bien que monsieur et madame se remettent en contact avec nous. Mais de toute façon, je vais revenir vers les clients à ce sujet. Madame, quand vous livrez un pont élévateur, est-ce que le moteur est livré avec ? Est-ce que c'est dans la même caisse ? Normalement, c'est parti de notre dépôt en entier. C'est-à-dire que le console de commande est sur le pont et est attaché. Donc c'est un peu bizarre quand même que c'est arrivé séparément. Bon, en tout cas, elle n'a pas inventé cette petite caisse avec ce petit moteur. Ah non, mais que ce soit bizarre. Si ce n'était pas bizarre, madame, on ne serait pas sur l'antenne. Oui, Catherine ? Sur la fiche descriptive du pont sur leur site internet, il y a les photos du conditionnement. Et en aucun cas, la machinerie, elle est sur le pont. Ah, elle est bien séparée. Non, mais quand ça part de notre dépôt aux Pays-Bas, on attache toujours avec des sangles. On attache. D'accord. Mais madame, est-ce que c'est deux caisses ? Le petit colis sur le grand colis, ça part comme une seule colis. Non, madame, est-ce que c'est ça a été séparé lors du transport. Okay. Madame, est-ce que il y a deux caisses différentes attachées ou est-ce que c'est une seule caisse ? C'est deux emballages qui sont attachés. Voilà. Donc il y a deux caisses et on peut dire qu'à un moment donné, effectivement, et je comprends que vous mettiez ça sur la responsabilité du transporteur, qu'on peut couper la sangle pour en faire deux caisses séparées. Ou alors parce que ça ne rentre pas dans le camion. Ça a dû arriver. Voilà. Et donc il y a un pont de 650 kilos qui est parti dans la nature. Bon, on se retrouve dans quelques instants. Bernard, vous récupérez, madame, Julien. Vous me préparez le numéro du transporteur, c'est juste après ceci. Ce sont enfin les soldes Conforama, avec des remises jusqu'à moins 70%. Et vous restez là à m'écouter. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions, dates et magasins participants sur Conforama.fr. Disney et Pixar présentent le monde de Nemo. Dory ! Ah oui, pardon, le monde de Dory. Le poisson à la mémoire défaillante revient au cinéma pour une aventure inoubliable. De quoi on parlait déjà ? Qu'elle oubliera sûrement. Ah, j'ai mal à la tête. Hein. Le monde de Nemo. Dory ! Le monde de Dory. Laissez-vous surprendre par la nouvelle pépite signée Pixar. Elle a la tête dans un gobelet. Ah ! Actuellement au cinéma. Avec RTL. Et si on parlait véhicule d'occasion ? Oh, désolé, j'étais pris dans les embouteillages avec mon capture d'occasion garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. C'est pas grave. J'ai mis 3 heures à venir jusqu'ici. 3 heures, t'imagines ? Ça me fait penser. Je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec mon capture d'occasion ? Oui, tu m'as dit. Ah oui ? Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015. Offre réservée aux particuliers pour 1€ de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. RTL présente Résiste, la comédie musicale de France Gall et Brut Daouit, actuellement au Palais des Sports de Paris. Ne résistez pas aux dernières représentations parisiennes et profitez d'une offre exceptionnelle, 15 000 billets à 15€. Résiste au Palais des Sports de Paris jusqu'au 3 juillet, puis en tournée dans toute la France. Infos et réservations sur résiste-la-comédie-musicale.fr. Un événement France 2 et RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Je te vois venir toi. Oui, et vous n'en croirez pas vos yeux. Hein. Chez Lidl, ils ont les lunettes de roman saveur de nos régions parfum au choix à 1,99€ le paquet 350 grammes. Le paquet de lunettes de roman saveur de nos régions, 1,99€ chez Lidl, ben voyons. Ah mais c'est tout vu, à ce prix-là et saveur de nos régions, j'en ai déjà les yeux plus gros que le ventre. Et là, t'arrêtes d'en faire tout un roman, on est mal. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 5,69€ le kilo. Prix valable du mercredi 22 au mardi 28 juin. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL. Allez, c'est parti et nous appelons maintenant le transporteur pour essayer d'avoir sa version des faits. Nous avons appris en appelant la Hollande que, en fait, le pont élévateur et le moteur sont deux colis séparés et un seul est arrivé au garage. Alors, qu'est devenu le pont ? Voyons ce que nous dit DHL. Nous avons le nom d'un responsable. Allô ? Ça ne répond pas. C'est quand même étrange que ça ne réponde pas. C'est un portable, là ? Oui, c'est un portable, Julien. On n'a que ça. Abdelmouni. Alors, ok, on coupe à ce niveau-là. Nous allons donc... Ah non, mais il y a un livreur qui les a livrés. Alors, il faut dire qu'ils ont sous-traité. C'est-à-dire que, vous voyez, comme ça devient compliqué, les histoires. La société SNS Trade Smith & Smith, qui vend les ponts avec le moteur, est passée par DHL pour livrer le pont à Catherine, mais DHL est lui-même passé par Transport Gérard. Voilà un nom comme je les aime. Bon, c'est bien qu'il y ait des Smith & Smith en Hollande, mais nous, ce qu'on veut, c'est du transport Gérard. Parce qu'on se reconnaît, on est entre amis. C'est parti, on appelle les transports Gérard. Le pont élévateur Gérard. Je vais lui demander. Mais je les connais, je sais parler aux Gérard, vous allez voir. Il n'y a jamais de problème avec les Gérard. Nous sommes à Reux, c'est le nom de la ville. Reux, c'est dans le 35. Non, c'est pas à Reux, c'est Reux. Ah oui, d'accord. Alors, est-ce que quelqu'un va nous répondre ? On n'a pas de chance, hein, ce matin, dis donc. À 10h13, là, c'est un peu compliqué d'avoir des interlocuteurs. Alors, DHL, vous me trouvez bien sûr ce que l'on aurait pu faire un petit peu avant, mais c'est vrai que, d'un autre côté, se dire qu'on va avoir besoin d'appeler un standard, c'est quelque chose qui ne nous vient pas tout de suite à l'idée. Donc, on n'a gardé que le standard, que le portable. Allez, vous essayez de me trouver le numéro de DHL, vous me rappelez le transport Gérard, et nous allons avoir quelqu'un, Catherine, on continue l'enquête, à n'importe quel moment il peut y avoir la petite alerte, d'accord ? Ok, merci. Allez, à tout de suite, dans une seconde, on passe à Céline Dion, mesdames et messieurs, on se retrouve après ceci pour attaquer le cas de Céline Dion et cette personne qui est plantée. Mais il y aura aussi l'artisan, je vous le rappelle aussi, l'artisan à qui on a volé les outils et qui ne peut plus travailler parce qu'ils sont sous scellés suite à une enquête. À tout de suite sur RTL. RTL. En ce moment, avec les soldes but, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin. Moins 70%. But, c'est nous. Dis, oui. Tu aimes le cinéma ? Ah bah oui, bien sûr. Tu vas être content. Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom offre à ses clients Bibox 20 films en VOD. Waouh, 20 films en VOD sur ma Bibox Miami ? Oui. Avec les pop-corns ? Ah. Non mais je demande, bah tant qu'à faire. Tu es tellement drôle. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous réservons à nos clients Bibox. 20 films de légende offerts en VOD. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Ne laissez pas quelques petites rides gâcher votre joli sourire. En ce moment, en magasin, vous êtes satisfaite ou remboursée sur une sélection de produits anti-rides Nivea Q10. Et ça, ça vaut bien un petit sourire, non ? Offre soumise à condition sur les produits Nivea Q10 porteurs de l'offre dans la limite des stocks disponibles. Modalité complète sur Nivea.fr. Dans la vie, Claire a beaucoup de mal à contenir sa joie. Surtout quand arrivent les soldes. C'est les soldes chez Auchan, gourou ! Et oui, aujourd'hui chez Auchan, les soldes, c'est jusqu'à 70% de réduction sur des vêtements et chaussures hommes, femmes, enfants, bébés, mais aussi sur de la déco de la maison, de l'électroménager et sur des produits high-tech. Et les soldes, c'est aussi sur Auchan.fr. Auchan, la vie que j'aime. Sur les produits signalés, dans la limite des stocks disponibles. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda à Kéna. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda à Kéna. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Chez Sarenza, les soldes chaussures démarrent aujourd'hui. Et Charlotte, du service client, ne parle que de demain. Demain, les chaussures. Vous les aurez demain. Oui, demain, les chaussures. Absolument, la livraison est gratuite en 24 heures. Voilà, commandez vos chaussures avant 14 heures. Vous les aurez demain, les chaussures. Vous les aurez demain. Je lui ai proposé un petit massage pour la relaxer entre deux appels. Elle m'a répondu... Utilisez plutôt vos petits doigts pour cliquer sur l'appli Sarenza. Vous les aurez demain. Vous l'aurez certainement compris. Chez Sarenza, vous les aurez demain. Vos chaussures Nike, Geox, Adidas et toutes leurs copines. Sarenza.com. Voir conditions sur le site. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RT. Alors une alerte, sur quel cas s'il vous plaît Marie ? On a DHL en ligne Julien pour le cas de Catherine. Bonjour DHL. Allô ? Allô ? Vous êtes... Oui bonjour madame, je suis bien chez DHL. Oui c'est ça. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL madame. Je vous explique le but de mon appel en deux mots, au moins est-ce qu'on ait eu le temps de vous l'expliquer ? Ah non, pas du tout, non. Alors, je vous le dis. Une auditrice à nous, qui s'appelle Catherine Laurent et qui tient un garage, a commandé un pont élévateur pour son garage, d'un poids de 650 kg qui comprend le pont plus le moteur. Il l'a commandé à la société SNS Trade Smith & Smith, qui sont vos clients. SNS Trade Smith & Smith passe par vous pour livrer le tout. Or, elle ne reçoit que le moteur. Et le pont élévateur de 650 kg, lui... n'a pas été livré. Apparemment, vous avez vous-même sous-traité avec les transports Gérard. Enfin bref, aujourd'hui, on a un garagiste qui n'a pas son pont élévateur, une société SNS Trade Smith & Smith qui dit « Nous, on a tout envoyé à DHL, voyez avec DHL ». Voilà où nous en sommes. Oui, alors, bon, ok, donc là, c'est délire, parce que je suis à la radio, donc c'est très bien. Sauf que là, vous êtes à l'accueil du fret, et donc je vais essayer de vous passer quelqu'un qui s'en occupe. C'est génial. Merci, madame. C'est très gentil merci, à vous. Merci, monsieur Courbet. Je vous souhaite une belle journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Alors, nous allons peut-être avoir quelqu'un, mais apparemment une deuxième alerte. Sur quel c'est dossier, s'il vous plaît ? Sur le même dossier, c'est DHL, le numéro de portable qu'on avait, la personne qui s'occupe du dossier. Super, bonjour, Eric. Eric ? Bonjour, c'est Abdel à l'appareil. Ah, Abdel, pardon, je croyais que c'était Eric. Alors, je ne sais pas. Abdel, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Abdel, est-ce que c'est vous qui vous êtes occupé pour DHL, vous savez, de cette histoire de pont élévateur livré par Trade Smith & Smith au garage de Catherine Laurent ? Non, pas du tout. C'est pas vous. Bon, on avait ce numéro-là, mais il y a un Eric là-bas ou un Michel Akavi qui... Il y avait un Eric, mais il n'y a plus de Eric. Ah, il y avait Eric, mais il n'y a plus de Eric. Bon, j'espère que tout va bien pour lui quand même. Il a juste quitté la société. C'est vous qui l'a remplacé ? Oui. D'accord. Bon, donc, est-ce que vous êtes au courant donc, du dossier de Catherine Laurent ? Non, absolument pas. Bon, est-ce que vous savez à qui il faut s'adresser vu qu'il n'y a plus Eric et que c'était Eric qui s'en occupait ? Bah, écoutez, là, je ne peux vraiment pas vous aider. Moi, là, à mon niveau, je ne peux pas vous aider. D'accord. On vous souhaite une bonne journée, monsieur. Voilà. Donc, le Eric a donné son portable à Abdel qui l'a remplacé, mais Abdel n'est pas au courant de ce que faisait Eric. Alors, de votre côté, Marie. Bah, DHL a raccroché d'autres numéros. Le siège vient de nous raccrocher au nez aussi. Le siège de DHL vient de nous raccrocher au nez. Ce n'est pas grave, c'est un petit problème technique. Vous les rappelez. Hervé Pouchol. Je me suis permis quand même d'envoyer un petit mail au service de presse de DHL pour qu'ils puissent nous aider sur ce dossier. D'accord. Merci, Hervé. Bernard Sabat. Transport Gérard, ça sonne dans le vide, Julien. C'est là, à peu près la 15e sonnerie. Oui, et pour l'instant, il n'y a rien. Ça doit être une petite entreprise et le monsieur doit être dans son camion, inutile de l'affoler, parce que souvent, c'est pour une livraison, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils sous-traitent. Oui, Maître Fellonneau. C'est tout à fait normal. On va vous ouvrir le micro, Maître Fellonneau. C'est tout à fait normal. C'est parti de Hollande, ça arrive sur un centre de tri, un gros centre de fret chez DHL, qui ensuite prend des petits camions avec transporteurs locaux pour arriver jusque dans le département à Reux, la ville de Reux, en fait, hein, dans le 35. Donc ça, le cheminement est assez normal. Ce que je ne comprends pas, effectivement, c'est que l'on puisse mettre un seul colis qui, en fait, comporte deux caisses qui ne sont que sanglées, que entre guillemets, parce que pour réunir des deux caisses, alors que ça pèse 650 kilos, ce ne sont pas des petites sangles en ficelle. Si, on prend du fil pour le rôti. Donc, oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand ils ont été désolidarisés, ça a été volontaire. Donc, effectivement, ça se passe chez le transporteur. Le problème, il est là. Alors, nous essayons d'avoir DHL, nous essayons d'avoir Raymond, nous essayons d'avoir Robert, nous essayons d'avoir tout le monde. On se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL avec l'histoire de Céline Dion après avoir écouté du Miles Davis. C'est Navi, c'est une nouveauté, ça fait partie des titres qu'adore RTL. Merci d'écouter le 9h30, 11h. N'oubliez pas Disney, 3210, touche numéro 2 et encore 2. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on ne sera plus ensemble, si fier qu'on s'abandonne. C'est fou ce qu'on se ressemble. On se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. Afflige des supplices, puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen, la peine c'est pas du toc. Les larmes de crocodile en font Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles. La nuit tu es seul. Peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Tu m'aimes au fond de cette spirale. Ce fan, les chrysanthèmes. Ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. Il s'appelle Navi, il est sur RTL dans le 9h30-11h, il écoute du Miles Davis. Nous allons, si vous le voulez bien, maintenant enchaîner. Alors, sur les différents dossiers, il nous faut avoir du nouveau, je le rappelle, des transporteurs. Pour l'instant, quand on essaie de rappeler DHL, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un peut prendre le micro et me le dire? Oui, Julien, je suis avec DHL. Le monsieur est en train de prendre tous les éléments que m'a donné Maître Fellonneau, le détail de justement du banc de commande, pour essayer de retrouver ce fameux pont élévateur ou qui l'aurait égaré. C'est super. Nous allons maintenant parler de Céline Dion. Voilà le message que nous a laissé cette auditrice qui est en panique et on peut la comprendre. J'ai réservé depuis novembre sur Internet pour le concert de Céline Dion ce samedi à Bercy et je n'ai toujours rien reçu. Et maintenant le site me propose de changer la date alors que j'ai déjà tout réservé sur place à Paris et billets d'avion. Et je viens spécialement de Haute-Garonne pour voir Céline Dion. Elle s'appelle Titaina. Bonjour, c'est ça, j'ai bien prononcé ? Non, c'est Titaina. Titaina, ah, j'ai dit Ayana, Waina. Alors Titaina, c'est un prénom tahitien, c'est oui. Fantastique ça. Et oui, vous oui. êtes née à Tahiti ou vous êtes née en métropole ? À Tahiti ? Non, je suis née. Et vous avez quitté Tahiti pour venir en Haute-Garonne ? C'est ça, oui, bon. Il y a très longtemps. Oui. Il y a un homme derrière, ou un père voilà. qui a été muté, voilà, c'est exactement. Ça. Bon. Alors, le 20 novembre dernier, vous avez réservé sur un site internet deux places pour le concert de Céline Dion à l'Accor Hôtel Arena. Évidemment, tout oui. le monde veut aller voir le retour de Céline Dion. Oui. Maintenant, dites-moi, Tayana, quand vous Titaina. Avez... Titaina, quand vous avez réservé, est-ce que vous avez été déjà sur plusieurs sites qui étaient complets avant d'aller sur celui-ci ? Non, non. Vous avez été directement sur celui-là. Non, j'ai été sur celui-là qui m'avait proposé et ça m'avait l'air bien. Donc, chose que je ne fais jamais, j'ai réservé parce que j'étais trop contente d'avoir des places. Combien avez-vous réservé de places, Troïka ? Deux. Deux places qui vous ont coûté combien ? Eh bien, 413 euros. Bien, une fois la commande validée, vous réservez vos billets de train et un appartement pour quelques jours, car vous habitez en Haute-Garonne. Le concert de votre idole, quand vous dites pour quelques jours, c'est combien de jours ? 5 jours sur place. D'accord. Bon, ça, on ne peut pas demander un remboursement non, de 5 jours sur place. Hein, on est d'accord. J'ai réservé une place pour aller voir Céline Dion le 27 novembre. Donc, j'ai acheté un hôtel particulier pour l'occasion, car j'habite en Haute-Garonne. J'ai acheté un Airbus également pour aller là-bas, parce qu'il faut bien se déplacer, M. Courbet. Et comme il faut bien manger, on a acheté un restaurant Tokyo, un 3 étoiles. Coût de l'opération, 724 millions. Alors, je vais vous dire, la Céline Dion, elle nous a coûté cher. Bon, donc vous avez réservé 5 jours un appartement. Et le concert de votre idole est l'occasion de venir. Et alors, d'après le mail de réservation, les places peuvent être envoyées jusqu'à une semaine avant le concert. Donc, du coup, vous ne vous inquiétez pas. C'est ça. Et la première semaine de juin, vous recevez un mail du site internet vous proposant de changer la date du concert au 9 juillet et d'être surclassé. Alors, je ne sais pas, être surclassé, et c'est être mieux placé. Parce que j'ai des billets d'avion et j'ai l'hôtel qui est réservé pour la date du 25 juin. Alors, éventuellement, vous pourriez accepter si... Un, il y avait de la place pour un nouvel avion et un nouvel appartement, et s'ils vous remboursaient les premiers. Mais eux, ils ne proposent pas ça. Ou alors, à moins que vous ne puissiez pas, dans vos dates, vous partir à l'autre... Et non, je ne peux pas, parce que j'ai réservé en Espagne une semaine. Ah, très bien. Parce que c'était mes vacances, oui. C'est la belle ville, à Trapanema. Ouais. Mais tant mieux, vous avez raison d'en profiter. Voilà. Bon, vous êtes sans nouvelles, le concert est samedi, et nous sommes très inquiets. Dans une seconde, je vais donner la parole à Blanche de Grandvilliers. Dans une seconde également, nous allons appeler ce site. Ce n'est pas normal qu'une semaine avant, on vous dise... Parce que... Dans ces cas-là, on ne peut pas ne pas penser qu'ils n'avaient pas les places. Je ne c'est vois ça. Pas pourquoi, une semaine avant, ils décident que ça sera un autre jour. C'est parce qu'ils sont fait croire à des gens qu'ils avaient des places. Les gens paient parce qu'ils aiment leur idole. Et il n'y a rien de plus facile que d'arnaquer les gens sur ça, sur le principe de l'idole. Quand on a envie de voir quelqu'un, on est prêt à faire n'importe quoi. Ils n'ont pas les places, ils prennent les sous. Ils arrivent à se débrouiller à une autre date. Et à la dernière minute, ils vous disent on changement. Et ben moi, je trouve que ce n'est pas bien. Et j'espère que vous pousserez un coup de gueule, Maître Blanche de Grandvilliers. Après ceci, sur RTL, en direct dans le 9h30-11h. RTL. Chérie, mes valises sont prêtes. Tes valises? Mais on part qu'un week-end. Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping. Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. J'ai pas pu me retenir. Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Il fait beau et chaud. Mais vos jambes vous pèsent ? Pourquoi souffrir quand il existe une solution pour être bien ? Moi, j'ai choisi Gincorfort, un médicament qui apaise les douleurs des jambes lourdes et tonifie les veines. Gincorfort, mon bien-être passe aussi par mes jambes. Demandez conseil à votre pharmacien. Lire attentivement la notice. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. Le cahier de vacances des grosses têtes vient de paraître. Pour des vacances énergiques, entre rire et réflexion, c'est le compagnon indispensable de votre été. Au programme, 125 jeux variés inspirés de votre émission préférée, parsemés d'illustrations hilarantes et de blagues désopilantes. Le cahier de vacances des grosses têtes est déjà disponible dans toutes les bonnes librairies aux éditions Michel Lafon. Avec RTL. Monsieur l'étonné flâne dans un parc public quand il croise Monsieur Papillon tenant une bouteille en plastique vide à la main. Monsieur Papillon, pourquoi ne jetez-vous pas cette bouteille vide ? Demande-t-il perplexe. Cette bouteille en plastique est peut-être vide, mais elle est pleine d'avenir, rétorque superbement Monsieur Papillon. Alors je ne veux pas l'acheter, mais la mettre dans un bac de tri pour qu'elle soit recyclée en nouvelle bouteille, ou en ours en peluche, ou en oreiller, ou en beaucoup d'autres objets du quotidien. Vous voulez savoir comment ? Allez sur ecoemballage.fr. Carrefour, Val, je reviens de chez Carrefour, il y a des soldes de folie sur plein de produits, t'imagines même pas. Ah, raconte. Bah, en ce moment, t'as jusqu'à moins 70% sur le rayon textile, la cuisson et même l'électroménager. Et t'as pris quoi? Bah, il y avait tellement de choix, j'ai pas pu me décider. Ah bah viens, on y retourne, à deux, on va y arriver. En ce moment, c'est les soldes chez Carrefour. Profitez de remises immédiates jusqu'à 70% sur les rayons textiles, cuisson et électroménager. Vos magasins sont ouverts dimanche. Voir liste des magasins ouverts sur carrefour.fr. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Carrefour. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Titaina, c'est bien fait à voir. Elle le pense en tout cas. Et elle aurait pu se méfier, mais je ne vous en veux pas, Titaina. Quand on a envie de voir un concert, que l'idole passe dans une ville, on est prêt à faire n'importe quoi. Mais elle a réservé sur un site qui est aux Pays-Bas. Donc après, je ne vous dis pas pour aller faire des procédures aux Pays-Bas, mais qui a pris un site .fr. Comme ça, quand on met .fr, on se dit c'est bien français. Voilà. Mais c'est pas du tout français. Blanche Grandvilliers. Oui, Julien, dans ce dossier, Titaina, je ne vais pas y arriver non plus. Il faut rappeler que c'est elle qui a été obligée d'écrire au site pour savoir où en étaient ses places. Elle ne les avait toujours pas, elle n'avait aucune information. Et là, ils lui ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas avoir des billets pour la date indiquée. Or, s'ils ont bien précisé que les dates pouvaient, que les billets pouvaient arriver 8 jours avant, à aucun moment, ils n'ont indiqué que la date pouvait être modifiée, évidemment. Sinon, notre auditrice ne se serait pas fait avoir comme elle se l'est faite, malheureusement, aujourd'hui. C'était laborieux, mais c'était clair. Mais laborieux. Mais on a quand même compris, on ne peut pas avoir un niveau d'exigence permanent. Là, c'est vrai que c'est un peu poussif, mais il y a des fois où c'est beaucoup plus clair, je tiens à vous le dire. Mais là, Titaina, vous tombez sur un mauvais jour. Elle a le droit d'avoir ses mauvais jours. Alors, nous allons appeler un site, ça va sonner, qui a un bon nom français, puisqu'il s'appelle bonbillet.fr. Et là, on se dit bonbillet.fr, on est en France. Sauf qu'il se trouve à Amstelveen, qui se trouve aux Pays-Bas. Alors, je n'ai rien contre le Pays-Bas, bien au contraire, c'est un pays sublime, mais quand on fait une procédure, et ça serait pareil si on était aux Pays-Bas et qu'on achetait des tickets en France, quand on va faire des procédures à l'étranger, c'est la cata. Oui, Barry, vous écoute. Alors, le problème, Julien, c'est qu'avec ce numéro de téléphone, ça marche une fois sur trois. Ça veut dire que là, j'ai lancé une première fois, ça a sonné, puis on a lancé une deuxième fois et ça s'est occupé, et puis une troisième fois, là, il met Channel Unavailable, donc ça ne fonctionne pas du tout, donc on relance une quatrième fois, mais voilà. Channel c'est un peu au pifomètre. Channel Unavailable, bon, il n'a pas de parfum, mais ça, on s'en moque. Mais... Quoi, Istobrak, tu vas voir. Tu vas voir si je vais me faire traiter d'Istobrak longtemps, moi. Voilà, et ça coupe au bout d'un moment. Titaina, j'espère que vous avez de... Non, mais franchement, de l'humour, parce que j'ai peur que malheureusement, l'histoire, elle se termine mal. Et ça va me permettre de redire à tout le monde. Alors, il y a un site, apparemment, Sarah, qui explique comment arriver à peut-être détecter les faux billets, des vrais billets. Alors, on ne sait pas là si c'est des faux billets. On sait juste qu'ils ont vendu un billet qu'ils n'avaient pas. Ça, c'est sûr. Mettez-vous bien ça en tête. Il y a énormément de sites qui font ça maintenant. Et ce n'est pas que pour les billets, mais surtout pour les billets. On vous vend quelque chose qu'on n'a pas et on se dit une fois qu'on a l'argent, on trouvera bien un moyen de lui trouver une petite place et à la dernière minute, comme il sera tellement accro au concert, on va lui vendre n'importe quoi. Effectivement, le site se nomme metticket.com, fausse place, quel est le risque? Et il vous explique qu'il faut vérifier certains points, connaître le design des tickets des principaux réseaux français, s'assurer que le ticket provient d'un réseau français homologué, éviter les achats dans les billetteries exotiques, éviter les achats de billets électroniques aux particuliers et bien d'autres conseils. Alors, en tout cas, n'allez pas, enfin, ça c'est mon conseil, si vous achetez, allez voir les mentions légales d'un site, mais veillez au moins à ce qu'il soit en France. Oui, vous vouliez dire quelque chose, Trouyana? Eh bien, écoutez, Trouyana. Oui. Hein? Boum, c'est plus compliqué que Julien. Hein? Je vous écoute. Non, moi, je n'ai jamais acheté de place comme ça, et c'est vrai que j'étais tellement contente de l'avoir que bon billet, pour moi, c'était pas un site frauduleux. J'avais pas de raison. Franchement, je fais très attention en général quand je vais sur les sites, et là, ben, je me suis fait avoir, et j'ai senti qu'il y a pas longtemps que je m'étais fait avoir. Alors, on lance un appel à nos amis de bonbillet.fr, on lance aussi un appel à la vigilance. Si bonbillet.fr ne nous résout pas le problème rapidement, on ne pourra en tirer qu'une seule conclusion. Ils vendent des tickets qu'ils n'ont pas, car c'est la réalité. Oui. Ils auront beau prendre le problème dans tous les sens, exactement. S'ils avaient le billet, ils l'auraient envoyé. Ils ont donc pris l'argent et après, ils se sont débrouillés, ils ont réussi à avoir. C'est-à-dire que c'est qu'une fois qu'ils ont l'argent, qu'ils vont essayer d'attraper des billets. Mais si c'est complet, c'est complet pour eux aussi. Il ne faut pas croire qu'il y a la tribune pour billets. Non, mais j'explique aux auditeurs, Choukaya. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça et ce n'est pas parce qu'on a envie d'aller voir quelqu'un absolument qu'il faut être prêt à jeter de l'argent. Marie. J'ai eu la production de Céline Dion qui m'a expliqué que ce site n'était pas un site officiel et qu'ils n'avaient aucune autorisation pour vendre des places pour ce concert. Apparemment, on me dit même que c'est plus de 35 000 euros d'amende quand on dénonce ce genre de site internet. Germain, faites un appel Twitter. S'ils ont un arrobase de Bourbillier, donc si vous pouvez nous aider... Oui, exactement, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, on va leur lancer des appels par Twitter, arrobase Bourbillier, mais il faut que nos amis de Bourbillier nous expliquent comment ils travaillent, eux qui sont à Amstelven. Attention, soyez vigilants avant d'acheter un ticket. Oui, Bervé. Sur les forums, ça sent pas bon non plus, Madame Druel dit, je viens me rajouter à la longue liste des mécontents. J'ai acheté 2 billets le 20 novembre pour le spectacle de Céline Dion et je n'ai toujours rien reçu. Il y a énormément de témoignages comme celui-ci sur les forums. On peut rien faire d'autre que maintenant espérer que Bourbillier... Je demande à Lazare de remettre ça quand même tous les jours, un appel à Bourbillier jusqu'à ce que quelqu'un nous explique comment travaillent ces gens-là. Allez, un dernier mot. Le concert devant être en France, Julien, on peut parfaitement saisir quand même le juge de proximité en France, même si la société... Oui, mais alors après, elle fait quoi? Pour aller récupérer l'argent. On va pas se mentir, ça doit être une boîte postale là-bas à Amstelhem, là, je ne sais pas où ils sont, etc. Avant de retrouver, franchement, elle va perdre beaucoup de temps. Mais faut déposer plainte. Par le principe, voilà. Ou déposer plainte. Essayons de voir déjà si Bourbillier peut nous rappeler. N'hésitez pas à mettre un maximum de témoignages sur Facebook, la page ça peut vous arriver, sur Twitter, sur le @CPVA. Nous allons écouter Christophe Maé, car est-ce que vous, Titayana, parlez-moi quelques instants de Tahiti. Je suppose que à Tahiti, vous n'avez pas de pollution là-bas. Non, on a du beau lagon, on a du soleil. C'est on fantastique. A de la joie de vivre. Voilà. C'est juste pour y aller pour un week-end, c'est un peu court. Parce que je voulais y emmener Maître Félono un week-end, mais on partait donc le samedi matin. Combien il y a d'heures d'avion? 24. 20 heures. Donc oui, ça nous fait arriver là-bas quand même, si on part à 10 heures, ça nous fait arriver à 8 heures du matin le dimanche. Et pour revenir, c'est le même, pareil, hein, c'est 20 heures aussi. Pareil, oui. Parce que des fois, il y a le vent dans un sens. Mais moi, j'ai peur en avion. Pour aller voir l'aéroport, pourquoi pas. Bon. En tout cas, je tenais à remercier toute votre équipe. Et c'est moi, Titayana, c'est pas pour fini. La rapidité, on continue de se battre. On fait au maximum. Et pour tout vous dire, Titayana, on a même essayé de voir comment on pouvait, avec la production, etc., avoir des billets. Mais là, vous tombez sur Céline Dion. Il y a 500 000 demandes pour 3000 places. Je ne sais pas combien. Bah oui. Je suis trop dégoûtée. Je peux vous chanter un peu du Céline Dion, mais ça ne remplacera pas un concert. Ouais. Surtout pas. Oui, au moins, ça l'aura fait rire. Titayana, je vous tiens au courant. Allez, bon billet, soyez sympa, trouvez une solution. Bon billet, bon billet. Merci beaucoup. Merci. Oui, alors, elle nous disait que là-bas, il n'y avait pas de pollution. C'est parce que c'est vrai qu'on est à la recherche du bonheur, tous. Hein. On cherche tous le bonheur, y compris Christophe Maé. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans potes, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là. Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. C'est con le bonheur, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Mais j'aurais pas pensé à ça, mais maintenant je vais y réfléchir. Ça serait d'ailleurs un bon sujet pour le bac philo. Peut-on dire que le bonheur c'est con parce qu'on sait qu'après qu'il était là? Ah, oh, une alerte. Ah, peut-être que c'est quelqu'un qui sonne à la porte, allô? Oui, c'est moi Julien qui sonne à la porte. C'est pour le cas de Catherine et son pont élévateur égaré avec DHL. Oui. Ça avance tout doucement. J'ai eu donc DHL Fret, Rémi, formidable, 13 minutes d'attente, de contrôle. Et il m'a dit, le dossier a bien été considéré chez nous en France comme plus que litigieux, c'est que le colis a été perdu. Parce que tout simplement, la société des Pays-Bas aurait dû l'envoyer d'un seul bloc et non pas en deux blocs, ce qui a fait que ce colis a été séparé. Personne ne met la main dessus. Donc, ils sont en train de faire une enquête auprès des Transports Gérard. Ils ont déclaré ça auprès de DHL Hollande. Et en parallèle, Julien, j'ai rappelé donc cette fameuse Karine Mercier, adorable contact français de la société SNS Trade, qui a vendu le pont élévateur. Demain, nous aurons le PDG de cette boîte qui nous donnera des informations. De DHL? Ah non. De SNS, ceux qui ont vendu le pont élévateur. Ceux qui ont vendu. Voilà, d'accord. Au garage. Bon, ouais. Alors nous allons attendre demain pour en savoir plus. On essaie aussi d'avoir le transport Gérard, mais du coup, au départ, on était parti sur c'est la faute du garagiste. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est en train de dire il y avait deux colis, il y aurait dû en avoir qu'un, donc un s'est perdu. Oui, et DHL semble reconnaître qu'il y a eu une erreur entre DHL Hollande et DHL France. D'accord. Ah. Bon. Et ben voilà. Bon. On va avancer comme ça doucement. Un petit peu. Est-ce qu'il est là notre est-ce qu'elle est là notre auditrice? Oui. Catherine, vous avez entendu, donc demain on fait ça. Super. Il y a peut-être quelqu'un qui est actuellement dans son salon, regarde les matchs de foot sur un pont élévateur. Sans moteur. Sans moteur, c'est dur. Hein. Ah, mais ça peut être sympa, ça peut être très hard. Attention, ça peut être très hard déco, un pont élévateur. Tiens, moi je me demande si Maître Felloneau, oui, ça ne ferait pas basculer les choses en ma faveur si je vous proposais une nuit sur un pont élévateur. Ben écoutez. À quelle altitude veux-tu aller ce soir? Vous réglez sur 8. Oui, mais il manque nous, on a que le moteur. Et, et celui qui a le pont sans le moteur, il est quand même bien empêtré. Eh bien, quand vous aurez mon âge, vous verrez que vous préférez avoir le moteur que le pont, croyez-moi. Allez, on va se retrouver dans une seconde. 10h42 sur l'antenne d'RTL et on revient sur le chauffagiste qui nous a dit ceci tout à l'heure sur RTL dans le 9h30, 11h, c'était 1000. Je suis plombier chauffagiste. On m'a volé mes outils de travail dans mon camion. Ils ont été retrouvés et mis sous scellé en mars dernier. Depuis tout ce temps, j'entends qu'on les restitue enfin, car j'en ai besoin pour travailler. Nous avons appelé la gendarmerie qui nous a dit la gendarmerie d'Arras n'existe plus. Ils nous cherchent un numéro. Nous avons appelé le ministère de l'Intérieur qui appelle la direction générale de la gendarmerie et nous allons maintenant appeler le greffier d'instruction qui est au cœur de ce problème puisque c'est lui qui sait où en sont les scellés ou non. A tout de suite sur RTL. James Bond 007. L'exposition événement enfin en France. Aston Martin, costumes, gadgets, croquis, photos de tournage, objets originaux. Venez découvrir plus de 500 pièces exceptionnelles. James Bond 007, l'exposition. Actuellement à la Grande Halle de la Villette, à Paris. Avec TF1 et RTL. Ne laissez pas quelques petites rides gâcher votre joli sourire. En ce moment, en magasin, vous êtes satisfaite ou remboursée sur une sélection de produits anti-rides Nivea Q10. Et ça vaut bien un petit sourire, non? Offre soumise à condition sur les produits Nivea Q10 porteurs de l'offre dans la limite des stocks disponibles. Modalité complète sur Nivea.fr. Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 43 ans. Il y a 3 mois, mon médecin m'a dit que ce serait bien pour ma santé que je perde une dizaine de kilos. Ça m'a fait un choc. Et alors? Et alors rien, j'ai pas fait comme j'aime, j'ai toujours mes 10 kilos de trop. Valérie, il n'est pas trop tard. Commencez comme j'aime aujourd'hui et vous aurez perdu vos 10 kilos dans 3 mois. Aujourd'hui, il y a une offre vraiment exceptionnelle. Un mois gratuit. Oui, un mois gratuit en téléphonant au 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Il fait beau et chaud, mais vos jambes vous pèsent? Pourquoi souffrir quand il existe une solution pour être bien? Moi, j'ai choisi Gincorfort, un médicament qui apaise les douleurs des jambes lourdes et tonifie les veines. Gincorfort, mon bien-être passe aussi par mes jambes. Demandez conseil à votre pharmacien. Lire attentivement la notice. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. Schnorr, Pas-de-Calais, Picardie, ça n'existe plus? Les Hauts-de-France? Hein? Donc il n'y a plus de ch'ti, plus de piquère, plus de chobello. Ah, maintenant j'appelle les Hautains et les Hautaines. Oh. Ah ben, je m'appelle Danny Deboune des Hauts-de-France alors. On va de Dieu. Danny Deboune des Hauts-de-France à l'Olympia à partir du 9 novembre et en tournée dans toutes les nouvelles régions de France. Ne m'appelez plus jamais Bilout, Schnorr, Pas-de-Calais. Il m'a laissé tomber. En partenariat avec RTL. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda à Kéna. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda à Kéna. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 millième véranda. Akena, la reine des vérandas. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Plusieurs informations, c'est la dernière ligne droite pour le séjour Disney. Vous allez connaître la magie Disney pendant quelques jours, maintenant quelques nuits. À 4, vous aurez l'entrée dans les parcs gratuits et vous allez vivre la vraie magie Disney. Pour cela, 3210, touche numéro 2 et ensuite, vous retapez numéro 2. Vous allez vivre notamment cette soirée complètement givrée, l'été complètement givré. Vous allez chanter en chœur avec les musiques du film avec Elsa, Anna et Olaf. Pour la Reine des Neiges. Donc 3210, touche numéro 2 et encore numéro 2. Faites très très très très vite. Ou SMS RTL au 74-900. Deuxième bonne nouvelle, c'est le retour de l'émission Faut pas abuser, où on règle les problèmes à la télé, on téléphone comme on le fait ici à la radio, avec des stars. Il y aura Véronique Jeunesse, il y aura Anne Roumanoff, il y aura Berléand. Bref, c'est, notez bien, le mardi 12 juillet à 20h50 sur D8. Mardi 12 juillet à 20h50 sur D8, j'anime cette émission, faut pas abuser, où l'on va vous aider à régler vos problèmes. Maintenant, où en est-on, s'il vous plaît, sur le cas de notre plombier chauffagiste? Il nous faut appeler le greffier, on lui a piqué son matos, il y a une enquête, on met les outils sous scellés, et maintenant, on lui rend pas. Donc, il se dit, ça, j'aurais préféré que vous ne les mettiez pas sous scellés, que je puisse travailler. C'est parti, nous appelons, s'il vous plaît, le greffier. Qui a fait le numéro? Ça devrait sonner d'une seconde à l'autre, maintenant. Il est où, le greffier? Il est où? Je suis Dara. Oui, bonjour. Pourrais-je avoir madame le greffier d'instruction, s'il vous plaît, madame Allard? Oui. Merci beaucoup. Dans la sobriété, toujours, avec ce morceau de piano. Pour l'instant. Eh bien, je patiente. D'accord. Merci, madame. Voilà, nous remettons donc ce morceau de musique. Alors, je ne vais pas patienter autant que les impôts. Je vais attendre un petit peu, puis il y aura la petite alerte que vous connaissez bien, que vous devriez... Voilà, vous la reconnaissez. Alors, faisons un point info sur tout ce qui s'est passé avec le petit conseil des avocates. C'est pour ça aussi que cette émission existe, pour régler vos problèmes et pour donner un conseil à tous ceux qui, à côté, n'ont pas eu ce problème, mais pourraient l'avoir à un moment ou à un autre. C'est ça l'ADN du 9h30-11h sur RTL. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Alors, il y a l'Emile. Emile, on est en plein dedans. Emile, plombier chauffagiste, qui nous dit ceci. Je suis plombier chauffagiste. On m'a volé mes outils de travail dans mon camion. Ils ont été retrouvés et mis sous scellé en mars dernier. Depuis tout ce temps, j'entends qu'on les restitue enfin, car j'en ai besoin pour travailler. Que faire dans ces cas-là, Blanche Grandvilliers, quand mon matériel est saisi pour une enquête, mais que ça traîne? Eh bien, dans ce cas, Julien, il faut impérativement remplir le formulaire qui est accessible sur le site du ministère de la Justice et le joindre avec tous les documents qui vous sont demandés. Il n'y a pas grand-chose. Et en plus, vous pouvez le faire en ligne. Donc, c'est très rapide. Ça vous évite un courrier recommandé et vous êtes sûr que votre demande sera traitée. Maître Fellonneau, il y avait le cas de Catherine. On est garagiste, on devait se faire livrer un pont élévateur, mais nous n'avons reçu qu'un tout petit colis. Bien trop petit pour contenir, évidemment, un pont élévateur. Depuis, on se bat avec le livreur, le fournisseur et le transporteur pour récupérer enfin ce pont élévateur. Nous avons appris, grâce à Bernard, que finalement, aujourd'hui, la responsabilité irait peut-être vers DHL. Il y avait deux colis au départ, puis qu'un à l'arrivée. Mais néanmoins, que peut faire Catherine et quel conseil donner quand on réceptionne? Car souvent, attention,

peu partout. Les adoptions ont lieu de 14 à 18 heures au refuge de Montgeron, 6 route de Corbeil à Montgeron. Allez sur internet trouver des renseignements. Allez, qui va venir chercher le petit Lucky, le petit Jack Russell? Je serai ravi que ça aille vite. Ça, c'est la première chose. Est-ce que nous allons faire gagner maintenant quelqu'un? Oui, on y va. Comme ça, on sera sûr de l'avoir. Il y avait Disney à gagner. 4 personnes. L'hôtel Sequoia Lodge. On vient vous réveiller comme ça le matin. Et après, regarde-moi mon grand, et après, coupe la musique. Au petit déjeuner, on vous amène le café, on vous envoie la même musique. Libéré. Ouais, vous allez aux toilettes. Au bout d'un moment, si vous restez un peu trop longtemps, quelqu'un tape à la porte. Libéré. C'est ça la magie Disney. Est-ce que quelqu'un est là en ligne? On fait sonner quelqu'un? C'est parti. À la Allô fin de votre message. Ah. Si vous il y en a un qui va prendre une corde et faire un nœud, mais on ne dira pas qui, parce que le pauvre, si jamais on celui qui n'était pas là, parce que c'est... Hey, c'est il est, parce qu'il est occupé, ouais, c'est le jeu. Il va être mal, mais je ne dis pas, donc c'est quelqu'un qui avait gagné, mais comme il n'est pas là, le règlement déposé chez un huissier de justice, maître Enfoiros, nous oblige à passer à un deuxième numéro. Allô maintenant. Allô. Allô. Ça fait 2 heures que je tourne, t'es où là? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? J'en fais quoi du carrelage, moi? On va le reprendre, puis on va le poser à Marne-la-Vallée, là-bas, peut-être. Ah ouais. Il va aller poser son carrelage chez Disney, notre Antoine. Salut Antoine, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Il est carreleur. Vous avez une famille, Antoine? Oui, je suis futur marié là, le 20 août, et j'ai une petite fille de 3 ans qui s'appelle Léonie. Il n'a pas pu s'empêcher de fauter avant le mariage. Oui, il était pressé, Antoine, ça démangeait. Effectivement. Bon, alors, on va faire un petit cadeau pour toute la famille. Alors, je sais pas, elle en profitera quand même, elle sera toute petite, mais vous lui direz, quand tu étais petite, tu as été à Disney, 4, donc ce qui vous permet d'emmener votre belle-mère, je pense que vous insistiez là-dessus. Antoine, vous, votre femme, votre belle-mère et votre bébé, heureusement que la magie Disney va opérer, parce que sinon, ça aurait été un beau voyage de... Bon, en tout cas, vous partez là-bas, vous allez vous éclater... les deux parcs, entrée illimitée. Ne faites peut-être pas faire l'ascenseur à votre femme tout de suite si elle vient d'accoucher. Il vaut mieux attendre un petit peu, si je suis un conseil elle de vous donner. Déjà fait avant. Ah bon, mais parfait. Je suis ravi, Antoine, de vous avoir aidé. Franchement, je suis super content. Moi aussi, pour vous. Je pourrais dire à Christophe Maé que le bonheur, il est sur RTL. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Je vous fais un gros bisou à toute la famille, Antoine. Génial. Et bonne chance pour le mariage. Merci beaucoup. Ça se passe où le mariage, Antoine? Comment? Vous le faites où le mariage exactement? Pas loin de chez moi, chez Méré, dans une belle salle. Donc voilà, c'est le 20 août. Vous voulez que Bernard Sabat et Hervé Pouchol viennent mettre les disques un peu? Oh, ça ira. C'est pas sympa, on a tout ce qu'il faut. Même gratuitement, j'arrive plus à les placer. Pour 50 euros, Simon avec un sandwich, Julien, moi je le faisais. Quelle est votre chanson préférée, Antoine, honnêtement? J'aime bien R. Kelly, I Believe I Can Fly. Ah ben, I Believe I Can Fly, ouais, voilà. Simon aurait très bien pu venir vous la chanter. I Believe I Can Fly, I Believe I Can Touch the Sky. Voilà. Tant pis pour vous, vous ne voulez pas de ma proposition, vous ne l'aurez pas. Merci Disney, merci à toute l'équipe, merci. Au revoir, à bientôt. Est-ce que c'est possible d'avoir une montre RTL? Oh Dieu, faut pas charrier quand même. Hein. Dis donc, il est incroyable lui. Allez, je vous envoie aussi une montre RTL. C'est gentil, merci beaucoup. En fait, j'ai pas très envie du séjour Disney. Ah bon, mince. Bon, je vous envoie tout ça, merci Blanchet Grosvilliers. À bientôt. Comme ça, vous êtes géniaux. Merci Nathalie. Oui, merci à vous. Les négociateurs. Merci. Les équipes d'Alain Hazard. Et qu'est-ce qu'on dit à tonton Georges? Merci tonton Georges pour ce beau cadeau. Demain, il me dit qu'il en remet un. Encore un séjour Disney à gagner dès 9h30. Je suis l'étiqueteuse de chez Castorama. Et pour vous encourager à aller jusqu'au bout de vos projets, je distribue les petits prix. En ce moment, ça n'arrête pas. Jusqu'au 3 juillet, ce sont les soldes d'été chez Castorama, avec jusqu'à 70% de réduction. Alors foncez! Mais attention, premier arrivé, premier servi. Sur articles signalés en magasin et sur castorama.fr, date légale selon préfecture. Chez Sarenza, c'est parti pour les soldes. Allez, d'entrée de jeu, jusqu'à moins 60% sur les chaussures. Cette mesure drastique vient d'être prise par Émilie, responsable des soldes Sarenza. Un peu tendue en ce premier jour. Ça va, Émilie? Ouais, j'ai fait petit déjeuner détox et méditation transcendantale. Allez, les clients, encouragez-la. Allez, Émilie! N'oublie pas Ménage! Et je veux mes chaussures demain, hein. Allez! Plus vite, Émilie, plus vite! Émilie. Avec des soldes de chaussures comme ça, difficile de rester zen. Sarenza.com. Leclerc. Chérie, je sais pas toi, mais cette compétition de foot en ce moment, je suis fan total. Ah bah oui, ça à fond. C'est donc le moment d'aller chez Leclerc participer au grand jeu, la Ligue des supporters, à partir de 25 euros d'achat ou pour l'achat de 3 produits partenaires du jeu. Il y a un super sac de sport à gagner. Et là, je sens que... À fond. Oui. Du 15 au 25 juin chez Leclerc, tentez de gagner un sac de sport des 25 euros d'achat ou encore pour l'achat de 3 produits partenaires du jeu. Voir modalités dans les magasins participants. Tous supporters, tous chez Leclerc. Voilà, il est à fond. L'avant-dernière du One Man Show avant le nouveau, l'avant-dernière aura lieu le 27 juillet à Plan de la Tour dans le golfe de Saint-Tropez. Plan de la Tour le 27 juillet en plein air, ça va être génial, 21h, je pense qu'on va s'éclater là-bas. Eh bien, nous allons donner la parole dans une seconde à Stéphane Bern avec ses invités, on va se régaler également et on se retrouve demain matin, si vous le voulez bien, à partir de 9h30 en direct. C'était le 9h30, 11h sur RTL, la radio préférée des Français. Passez une très très belle journée sous le soleil pour certains. Eh bien maintenant nous allons... Ah, je crois que Olivier Lauré a quelque chose à me dire. Déshabillez-moi. Oui, bah, attendez, on va passer aux infos. D'abord RTL, 11h. Bonjour Olivia. Bonjour Julien, bonjour à tous. Le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez, et celui de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly, sont reçus en ce moment en place Beauvau par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Les syndicats avaient demandé cette réunion en urgence après l'annonce par la préfecture de police de Paris de l'interdiction de manifester demain contre la loi travail. Première réaction d'un membre du gouvernement, celle d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'Économie était à Saint-Lazare pour l'ouverture des soldes. C'est une décision d'ordre public qui a été prise. Il y a un droit de manifestation dans notre pays. Il est constitutionnellement reconnu, il est important. Après, il y a eu des troubles la semaine dernière très importants à l'ordre public avec, on l'a vu, des comportements inacceptables. Je pense qu'il faut aujourd'hui apaiser les choses, garder le bon ordre, mais surtout ne pas cesser de discuter, d'échanger, d'expliquer, d'essayer de convaincre et en transparence de proposer une vision du pays et d'agir. Je pense que c'est absolument indispensable. Le ministre de l'économie à la gare Saint-Lazare à Paris au micro RTL de Jacques Seret. Autre réaction, celle de Jean Lassalle, le député MoDem des Pyrénées-Atlantiques est contre cette interdiction de manifester. Je ne sais pas comment on peut encore parler de démocratie dans ce pays. C'est une honte que la France, qui a gagné une dimension universaliste par sa soif de démocratie, de liberté, sa capacité à s'exprimer, y compris dans des moments difficiles, sous un gouvernement de gauche, commettre un acte pareil, ça me fait mal. Ça me fait mal. L'esprit que je me fais de la République et de notre pays est totalement différent, totalement autre. Je ne me reconnais pas dans ceux qui décident ce genre d'ineptie. Jean Lassalle, interrogé par Maxence Lambrec à l'Assemblée nationale à Paris. Marine Le Pen dénonce, elle, une atteinte grave à la démocratie. C'est la question d'RTL Midi. Approuvez-vous cette interdiction de manifester? Donnez-nous votre avis au 3210 ou sur notre site internet rtl.fr. Le front social se calme en revanche du côté d'Air France. La grève des pilotes n'aura pas lieu ce week-end. Le futur PDG de la compagnie, Jean-Marc Janaillac, a obtenu une trêve sociale jusqu'au 1er novembre. 23 jours de grève. En revanche, ce mois-ci, à la SNCF, le patron Guillaume Pépi dresse ce matin le bilan de cette mobilisation contre la loi travail ou pour des conflits internes. Le coût, 250 millions d'euros de pertes pour l'entreprise publique. Euro de football, c'est ce soir que les Bleus connaîtront leur adversaire en huitième de finale. Pour l'instant, c'est flou. Peut-être l'Irlande du Nord ou alors la Belgique, la Suède ou encore l'Irlande du Sud. Quatre matchs au programme de votre journée pour le déterminer. À 18h, Hongrie, Portugal et Islande-Autriche. À 21h, Italie, Irlande des Suède-Belgique à suivre dans RTL Grand Soir d'Euro. La surprise d'hier soir, c'est la victoire de la Croatie contre l'Espagne, 2-1. Les Espagnols affronteront donc l'Italie en huitième de finale. Les courses ont lieu à Reims aujourd'hui. Les pronostics de Bernard Glass, le 11, le 8, le 6, le 3, le 2, le 13, l'As et le 7, dernière minute, le 2. 13 départements du Nord-Ouest sont placés en vigilance orange aux orages par Météo France jusqu'à demain matin 6h. Cela va de la Loire-Atlantique au Nord en passant par la Manche et l'Eure. Ailleurs, il fait beau et il fait chaud. Les températures 19 à Dieppe, 25 à Perpignan, 29 degrés à Paris, 30 à Dijon, 31 à Nîmes et même jusqu'à 34 degrés à Tarbes. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. RTL 11h03, tout de suite à la bonne heure avec vous Stéphane Bern. Merci beaucoup Olivia Leray, on vous retrouve naturellement à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Nous nous plongeons dans à la bonne heure. Et ça, c'est du bonheur avec un invité que nous aimons, qui est Jean Reno, notre invité. Bonjour, bonjour Jean, merci bonjour. D'être avec nous. Moi aussi, je vous aime. Eh oui. Oh, bah, nous sommes amours ce matin. Voilà. Nous sommes qu'amour en ce mardi. Voilà. Alors, je vous présente tous mes petits camarades. Il y a bien entendu, comme tous les mercredis, les colères d'aigle de Joël Goron. Bonjour tout le monde. Bonjour. Il plane tellement qu'il n'est pas venu ce matin. C'est la politique de la chaise vide de Régis Maillot. Il est là, l'applaudissez pas. Merci les gens. Applaudissez les chaises vides. C'est nous encourager à ne pas venir. Ils font ça. Les voilà, ils sont contents qu'ils viennent pas. Il est peut-être en grève, non? Peut-être qu'ils sont contents qu'ils viennent pas. Ah, peut-être, oui. Mais il aurait dû présenter un préavis de grève, non? Quelque chose. Oui, mais il le présentera demain. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Il s'est laissé pousser la moustache. Avec Monsieur Martinez, sort de ce corps. Avec nous Éric Dussard. Bonjour Éric. Bonjour à tous. Il aimerait que la moustache pousse, mais il a du mal. J'attends mes 14 ans, ça va peut-être venir. Écoutez, on a la chance d'avoir une grande star ce matin en la personne de Jean Reno, mais désolé Jean, je vais vous présenter une plus grande star encore. Ah oui, c'est un, oui, c'est un jeune homme vu dans Confessions Intimes qui est une star mondiale. Le problème, c'est qu'il est le seul à le savoir pour l'instant, mais il est persuadé de l'être. D'accord. Et le test à l'aveugle de Patrice Carmouze, consacré aux chansons qui ont pour thème.